Déjà tout gosse dans les coulis, Issa. J'ai passé mon temps sur les cuits, Issa. Des belles danseuses électrisées, des stripteaseuses m'hypnotisant. Déjà gosse, et ce par hasard, j'aimais les plumes et les plumards. Oh. S'il faut que les enfants grandissent, j'en connais qui gardent leur vie. Issa. Et leur vice ou bien leur obsession, je vous laisse le choix du nom. Est-ce mal ou bien j'en sais rien, en tout cas, j'ai gardé le mien. Certains préfèrent les pisseuses, d'autres aiment mieux les blanchisseuses, les brodeuses, couseuses ou liseuses. Moi, mon dada, c'est la danseuse. Oh. Dans un foufrou de fonfrelu, huche, les danseuses viennent en rue, huche. Ça bourdonne et ça prend son miel sur le pigeon providentiel. Maman avait quelquefois peur que papa ce soit ce pigeon-là. Dans ma mémoire se déforme des mamelons de toutes les formes. Saint-Lourd, Saint-Bombé, Saint-Pointu, fesses rondes à ras du tutu. À 10 ans, ça faisait rougir. Aujourd'hui, je sais m'en servir. Certains préfèrent les pisseuses, d'autres aiment mieux les blanchisseuses, les brodeuses, couseuses ou liseuses. Moi, mon dada, c'est la danseuse. Dentier branle en perruque, en baie, herne. Les vieux beaux venaient par douzaines, suffoquant dans leurs vieux habits, offrant des fleurs ou bien des rubis. J'en ai vu qui étaient tellement vieux qu'ils mouraient en rentrant chez eux. Dans la pénombre des coulisses, certains soirs des corps se blottissent. Mais parmi les habits de couleur, des danseuses avec des danseurs, j'ai surpris avec quelle horreur! Oh! Des danseurs avec des danseurs. Oh! Certains préfèrent les plisseuses, d'autres aiment mieux les blanchisseuses, les brodeuses, causeuses ou liseuses. Moi, mon dada, c'est la danseuse. Oh, certains préfèrent les pisseuses, d'autres aiment mieux les blanchisseuses, les brodeuses, causeuses ou liseuses. Moi, mon dada. Moi, mon dada, da, da, da, da. Moi, mon dada, da, da, da, da. Moi, mon dada, da, da, da, da. Da, da, da, da, da, da, da, da. Moi, mon dada, da, da, da, da. Moi, mon dada, da, da, da, da. Moi, mon dada, da, da, da, da. Moi, mon dada, c'est la danseuse. Monsieur le Président, monsieur, il est pas trop catholique. Et ceux des patrouilles cathodiques non plus, hein. Les messieurs et les messieurs et les messières qui sont devant leur écran. Ça, c'est pas catholique. Non, c'est cathodique. Non. Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone. Tout fonctionne bien, oui, OK. Errance rénadienne, on regarde partout, là. Il y a le magnéto. Il y a la caméra, il y a la console, il y a le micro. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission? Et je n'ai même pas vérifié si on ne se rend pas ridicule. On est actuellement extrêmement ridicule parce que nous n'avons pas senti... On a très bien senti, monsieur. Oh, on a senti quoi? On a senti la frénésie, la peur sous vos yeux et sur mes lèvres. Certains mieux aiment blanchisseuses, le aime mieux les prambileuses, les mielleuses, mêleuses ou leuleuses, moi les mamas, c'est la causeuse. Oh. Alors à quoi bon faire cette émission, tu l'as dit, si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant, nous marcherons ensemble, nous défricherons les sentiers narratifs, et voici le pitre qui change les chapitres. Votre itinérant langagé, rénal de Gagné. Et puis toi, comment ça va, mon petit champion? Ah, ça va bien. Jean-Luc devait passer nous dire bonjour. Alors, est-ce qu'on l'attend ou on le regarde? Mais si on l'entend... Oui, est-ce qu'on le regarde passer ou on l'entend nous dire bonjour, mes amis? Les hommes se suivent et se ressemblent quand doucement se passe au quotidien. On est pépapé, poupi, pampampe. Ça ne suffit pas pour se dire adieu. On s'est aimé comme on se quitte. Tout simplement sans penser à demain. À demain, à demain qui vient toujours un peu trop vite. Et quelquefois, ça fait de bon, ça fait de bon, trop bien. Eh, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, c'est bon, trop bien. Hey, on comprend. Est-ce que c'est de la langue française? Oui, bon, c'est bon, trop bien. Ouais. Interprétation. Avez-vous un interprète, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter le chanteur? Oh. Alors donc, aujourd'hui, c'est parti! T'es parti! Est-ce que c'est une batterie? C'est une batterie buccale. Oh mon dieu. Vous êtes un bucolique, je suis très bocaire. Clara Bocaire, connaissez-vous? Clara. Clara, elle s'appelle Clara, écarte-toi de là, c'est une belle chose, pas comme les autres. Une chose, et quand les gens... Au lieu de nous dire, l'as-tu vu? As-tu vu la chose? Voyons donc, un être humain, là, c'est pas un chat, là. C'est pas encore là un chat. Un chat, c'est un chat. Une chose, c'est une... Une chaise, c'est une chose. Ouais. Et puis la table? Ben, la table, ça va avec la chaise. Est-ce qu'ils sont... Premièrement, on peut-tu marier une table et une chaise? Ben oui, ça se marie très bien. Surtout si vous êtes deux, hein, une table, deux chaises. Ben ça fonctionne pas, ça là. Ça là, c'est de la bigolamie. Oh oui, ça c'est vrai. La bigolamie mobilière. Hey, c'est de la bigamie mobilière. Ça. Avez-vous déjà vu ça, vous? Deux tables, deux chaises. Non. On a déjà vu une table, deux chaises. Oui, c'est vrai. On a déjà vu aussi trois chaises, une table. Oui. Quatre chaises, une table. Oui. Mais jamais plusieurs tables, puis avec une seule chaise. Ben là, ben si tu regardes ça comme ça, là, mon ami. Ouais, mais je suis pas ton ami. Si tu regardes comme ça, toi là. Ben je ne suis pas toi là. Si tu regardes comme ça, Raoul, ben je regarde de même. Tu déformes la tu t'amènes un autre regard. Change tes lunettes et marche. Ah, ok, marche vers rouge, je vois rien. Ah oui, c'est vrai, mon ami. T'as mis la loupe, Jean-Marc. T'as mis la loupe. Mais. Déjà là, grossis l'actualité, grossis l'événement, grossis ta vision, comme ça tu vas peut-être comprendre une infime partie de cette réalité immensément complexe. Oh, monsieur, il est quelle heure avec ça? Il est très tôt. Il est très tôt, t'es obligé de monter ton moniteur. Oui. Ça, nous le savons et nous allons ici... Les gens vont se demander qu'est-ce qu'on veut dire par là. Ben, c'est parce qu'on se met un chronomètre pour pas dépasser, mais nous savons déjà pas à quel instant nous avons parcouru. C'est pas important pour le public. Ça, c'est vrai. Le public est ici pourquoi? Pour rire de toi. Oui, mais à part de rire de moi. Pour se divertir. Ben voilà, se divertir. Et quand tu veux te divertir, quand tu veux te faire divertir, quand tu veux te faire divertir, il faut que tu te sentes à ton aise, là, hein? Il faut que tu déboutonnes quelqu'un, hein? Puis il faut que tu t'enlèves quelqu'un, hein? Puis il faut que tu te verses quelqu'un, hein? Puis il faut que tu fasses quelqu'un, mais, et vous, comment c'est vous? C'est vous. Ça fera pas un succès. Ben écoute, il y en a un qui a fait un titre pendant des années. Seul sur le sable, les yeux dans l'or, mon cœur est un radeau. Smouché sur la plage, elle s'est désertée à entendre mon nez. Mais comment te dire de l'au-delà que j'aimerais que tu restes là-bas dans l'au-delà. Là-haut, dans l'au-delà. Hey, attends, c'est un signal. Veux-tu continuer? Vois-tu, il y a un ovni. Nous sommes ici. Arrêtez-vous. Hey, on n'a jamais entendu. Est-ce que c'est un bruit d'un ovni? On est en direct. Mais voyons, non, c'est un oiseau-mouche. On dit souvent dans les livres, les grands littérateurs de ces événements, Elle a atterri sans bruit. Tu parles de qui, là? D'Hélène? Pas Hélène! L'OVNI! Ah! L'objet volant c'est un spectacle de tout voir ça descendre, la lumière sans bruit, puis un grand silence, et puis du vent, puis ça écarte les feuilles sont dans les arbres tombent dans les eaux ne font plus des nids sont dans les trous ne sont plus dans les... Ah! Et là, sort de là. Eh, monsieur, un agent d'extraterrestre de Pigalle ou de Limoilou, ça c'est la même place. Ça, c'est un gars de Pigalle puis un gars de Limoilou, là, ils peuvent se croiser puis se comprendre. Voilà, nous allons vous présenter, avant de commencer le générique, parce que c'est très, très, très important de vous mettre dans le bain. Germaine, peux-tu te sortir du bain? Parce qu'on voudrait mettre les gens dans notre réservoir. Ah, ben ça, c'est pas... Non, ça, c'est personnel pour moi. Non. Il n'y a rien de personnel ici, là. Il faut accueillir nos auditeurs. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, faut les amener par la main. Prendre un auditeur par la main et l'amener jusqu'au bain, le faire descendre et lui offrir un verre. Prendre un auditeur pour un frère. Prendre un auditeur pour une sœur et pour la dernière fois, l'embrasser et lui dire qu'elle est... Ah là là, arrête-moi ça, toi! On va laisser de la place, on va lui... OK, on va défaire mon bain. Si tu veux, il faut agrandir ça. C'est pas un sauna, ça, là. On va les empiler. Ils vont aimer ça. Ben, alors, s'il vous plaît, auditrice, auditeur, prenez place dans le bain. Oh, premièrement, je tiens à vous dire, parce que on sent que Marianne est frileuse un peu. Ma petite Marianne, ma petite... Non, c'est de l'eau tempérée. Tempérée à mon corps bouillonnant. Pff, ah, bon Dieu, Seigneur. L'eau va être sale. Comment ça? Bouillonnant de main, toi, là, tu sens l'estime. Oh, estimons l'estime. Est-ce qu'on peut la faire actuellement? Est-ce qu'on n'a pas le convertisseur de Steam et de Rénal Gagné en même temps? Ben, on peut on a 2 secondes. OK, 2 secondes. Alors, on a estimé à beaucoup trop de vapeur. Oh, bon, beaucoup trop de vapeur dans un seul bain. Mais on va se mettre aujourd'hui. On va se mettre. Les yeux dans l'eau. On va se mettre dans le bain, c'est col de le dire. Alors là, qu'est-ce qu'il voulait dire au début? Ben, il dit extraterrestres! Ouais, pis. Les ovnis! Oui. Les extraterrestres! Ah oui, les gens de Limoilou pis les gens de Pigalle. C'est des hommes de Limoilou. C'est le même monde, ça, là. Hey, t'as retrouvé le fil? Ben oui. Ben, c'est rare, hein? Mais je suis remonté, moi, là. OK, couvre là le fil, bon. Un gars de Pigalle et un gars de Limoilou qui parlent ensemble. Voilà, ça c'est une discussion entre... ils comprennent, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de conflit d'Européens et d'Américains, il n'y a pas de structure narrative complexe, c'est juste des... En fait, c'est des deux d'élus. Et ça, c'est comme la politique, ça. Et t'as tant de gens que l'on présente ici, là. On a M. Tremblay qui se présente dans l'interzone rénaldienne. Moi, je vais offrir à tous les gens qui vont voter pour moi. Oui, on comprend pas très bien. Oui, merci. Parce que j'ai pas terminé de manger ma pêche. Oh, alors voulez-vous finir d'avoir mangé votre pêche? Non, ça me donne un peu plus de salive. Oui, mais on n'entend pas. Puis surtout, les gens qui nous écoutent, là, qui ne sont pas habitués par notre singularité, hein, notre accent tonique, hein, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, c'est pas sous-titré. Non, c'est pas sous-titré. C'est pas sous-titré. Tu peux pas traduire. Ben, je peux traduire, mais là, ça fait 2 fois la même chose que les gens vont entendre. Ils sont habitués. Bon, ils sont habitués, OK. Alors oui, qu'est-ce que vous promettez? Ben, je promets de l'amour. Oui, de l'amour. De l'argent. De l'argent. Et aussi, tout le monde ne sera plus seul. Oh, tout le monde ne sera plus seul, parce que... Parce que, en fait, on va pas parler de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre famille, de notre fam Mais votez pour moi, vous allez comprendre, ça va être écrit. Mais si vous votez pas, vous l'aurez pas par écrit. Oh, mais ça, c'est de l'arnaque. Hein? Ça, c'est de l'arnaque. Anna. Mais je connais Anna Karinak. Non, c'est pas Anna Karina, là. Sous le soleil, exactement. Pas à côté, pas... Non, c'est pas Anna Karinak, là, j'ai dit. Alors, aujourd'hui, le vendredi 29 octobre 2010, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de quelqu'un d'exceptionnel que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois à peine. Je m'en rappelle plus. Ben oui, mais toi, t'as la mémoire d'un chaudron. Non, c'est pas la mémoire. C'est pas la mémoire d'un chaudron que l'on dit. Quoi? La mémoire d'un poisson. La mémoire d'un poisson, comment ça? 2 secondes. Non, c'est 10. Est-ce que c'est 4 ou 10 secondes, non? C'est 2 secondes. Ben, pourquoi c'est 2 secondes? OK, mais normalement, c'est 10, hein? Il n'y a pas de normal. Bon, OK. Votez pour moi! Oui, on va vous envoûter, vous. Et pour nous envelopper... Non, merci. Et pour nous... Et public en délire... Bravo! Et pour nous envelopper dans... Hey, avez-vous l'enregistrement de Bobby Babouinte? Oui, on l'a ici. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne comme ça, là. Oui. Ah non, mais il n'y a plus de Babel la Pointe. Mais c'est triste, hein? Il n'y a plus de... Ah oui, OK, il y en a. Babel la Pointe, nous entendez-vous? Êtes-vous... Est-ce que vous nous entendez? Non! Voyons donc, où êtes-vous? Est-ce que vous nous entendez? Non! Bon, c'est dommage. Pourquoi vous nous dites non si vous ne nous entendez pas? Non! OK. Avez-vous le doigt coincé quelque part? Non! OK. À part ça, votre femme va bien? Non! Bon. Hey, pouvez-vous me passer 20$, vous? Non! Bon. Hey, en passant, là... Vous êtes pas de temps, sincèrement, là, entre nous, là, on va prendre quelques secondes là, pour évaluer votre comportement intellectuel. Vous êtes pas très, très brillant, hein? Non! Bon. En même temps, là, votre fille, là. Hein? Moi, j'estime là, que votre fille serait peut-être amoureuse de moi, mais elle ne veut pas me le dire, mais j'essaye de. Votre chien, là? Votre chien, il est-tu assez bête, hein? Non! Pierre, Michael, vous, l'êtes-vous? Non! Et si vous me donnez 100$, là, hein? Si vous me donnez, exemple, si je vous demande actuellement, avez-vous 100$ à me donner, là? Je vous le remettrai jamais, hein? Non! Bon. Un chèque de 2000 non plus? Non! Bon. Faites-moi le pas aujourd'hui, hein. Est-ce que vous pouvez attendre pour me le faire? Bon. J'aime ça. Puis votre plus jeune, là, votre petite fille de 19 ans, là, bon. Hey, je l'ai vue hier. Elle a pas changé, hein. Tout aussi jolie. Je l'inviterai pas, je pense, à prendre un verre. Non, je l'inviterai pas. Non. OK, ouais. J'essayais de trouver une formule pour qu'il dise non et que ça veut dire oui. Mais c'est pas facile. Mais cette émission-là, là, vous l'haïssez, hein? C'est... Non! Non? Ah, bon, merci beaucoup. Et puis, pour nous envelopper dans un non-aspect... Unissons-nous autour du créateur Pierre Michaloff. Pierre Michaloff est un écrivain et scénariste. Il a collaboré à Rock and Folk. Saviez-vous ça, vous? Que Pierre... Non, ben là, vous le savez. Ainsi que de nombreuses revues imprimées ou en ligne. Là, ça peut pas être imprimé et en ligne. Hein? Ben, ça peut être en ligne, puis vous l'imprimez, mais l'inverse, là. Comprenez-vous le propos, vous, là? Vous comprenez rien. Il est l'un des 3 auteurs de la série documentaire de France 3. Nous sommes tant aimés. Il a publié une 15aine d'ouvrages, dont une biographie de Noir Désir, déjà réimprimée 2 fois et qui réapparaîtra chez J'ai lu en 2011. Une biographie d'Alain Bachung, le dictionnaire raisonné du punk, un essai autour de Daniel Dark. Est-ce que je prononce bien Daniel Dark, non? OK. Ça m'aurait surpris aussi que vous disiez oui. Mais enfin, hein, si vous... Un peut-être, ça se peut pas. Ben, peut-être. Ah, vous êtes... Ah, mon Dieu, vous changez, hein? C'est peut-être. OK.

Marsan jusqu'à 2h et des grenailles. Vive les grenailles! Vive les grenailles et les rouquines. Vive les rouquines, c'est vie. Vive les grenailles, ça rend l'esprit banal. Vive les rouquines, c'est agréable. Prendre la rouquine, c'est lourd. Spoins, spoins, spoins, spoins. Droit, droit, droit, droit. Loin, loin, loin, loin. Roi, roi, roi, roi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais ce soir. Au rythme de ma mélancolie. Je me suis enlevé toute la poussière de mon abri. Je répète. Je me suis enlevé toute la poussière de mon abri. D'ombri, nébri, né. Sans abriter aucune supercherie. De l'eau de l'art. De l'eau de l'eau. Les rideaux se sont levés. Soudain, la danseuse jaillit. Sous la robe, papal, papa, papé, papa, pupu, papa, pupu, pupu, pupu, continuer. La robe est levée, le rideau s'est levé, Rénal s'est levé, le bon s'est levé, levé, levé, levé, levé. Arrêtez de lever. Qui télécharge mes émissions, la Gestapause? On sentait, mon petit numéro 1. Non, mais je veux pas dire que tu censures depuis quelque temps. Oui. Oui, je tords la vis. Tu devrais pas la tordre. Comment ça? C'est des métaux. Des métaux, des métaux. Mais moi, je connais des méthanes. Pouvez-vous mettre un... Hey, faudrait que je te le cherche ça. Des méthanes, la grenouille. Rabbit. Rabbit. Comment ça va, Demetan? Rabbit. Rabbit. T'étais... Hey, attends, on a la chance actuellement de... Il est quelle heure, là? Il est l'heure de rencontrer Demetan, la grenouille, ici. Elle est là, bonjour, Demetan. Rabbit. Rabbit. T'étais une grande vedette dans les années 70, milieu des années 70, n'est-ce pas? Rabbit. Rabbit. Aujourd'hui, tu vis dans l'anonymat comme... premièrement, là, t'es-tu toujours vivante, là? Tu me sembles étrange. Rabbit, rabbit. C'est vrai que c'est la première fois que je fais une intervention radiophonique avec une grenouille. Mais, premièrement, là, bravo, tu as bercé mon enfance. Rabbit, rabbit. Oh, t'as changé, c'est l'émotion, hein? Rabbit, rabbit. Bon, OK. Non, mais c'est tout beau, tout... Les gens s'émerveillent actuellement, là. Ils sont dans un moment sentimental qu'ils adorent. Souvent... Hein, nos auditeurs, nos auditrices écoutent des téléromans pour se fabriquer un imaginaire qu'ils n'ont pas parce que leur vie est peut-être fade. Mais toi, Demetan, aujourd'hui, puis en plus au niveau radiophonique, il n'y a pas d'image, sauf les gens qui nous regardent actuellement et qui voient la grenouille de Demetan. Rabbit. Ouais, je sais que tu n'es plus aussi en forme, mais tu as pris de l'âge, là. Rabbit. Oui, tu as le gorgoton un peu. Rabbit, oui. Mais Demetan, hormis tout ça, là, tu as bercé notre jeunesse. Rabbit. Oui. Et comment s'appelait la petite grenouille quand t'étais... Il y avait des petites... Pour un flirt avec moi, moi je ferai n'importe quoi. Pour... C'est Demetan. Demetan! Comment va Demetan? Oh non! Oh! Excusez-moi, mes sympathies, depuis combien de temps? Trois ans. Oh! Comment elle a passé ces derniers jours? Pauvre, sur un mars. Ah, oh, un mars. Est-ce qu'elle a souffert? Rabbit, rabbit. Ouais, OK. Mais si, il faut faire attention dans les rues. Quand vous traversez les boulevards, là, il y a des grosses machines qui égalisent l'asphalte, hein? Puis là, il y a des grenouilles qui restent coincées là-dedans. Rabbit, rabbit. Bon, ben écoute, ben tu vas en rencontrer une autre. Rabbit. Ouais, t'es pas mal vieux, toi, là. Mais Demetan, dis-moi, Demetan. Toi qui as bercé ma jeunesse. Est-ce que... Pourquoi tu fais pas une suite, là? Un film de Walt Bandé? Rabbit? Walt Disney, Liné. Là, Liné. Liné, l'inénarrable, Walt! Oui. Oui. Hey, nous savons l'inénarrable. Wow, comment ça va? Oui, ça va bien l'inénarrable. Saninaire. Bon, j'ai ici des méthanes. Est-ce que tu croyez-vous, je vous le présente? Oui, bonjour des méthanes. Tu veux relancer ta carrière? Mais je suis là pour toi. Tu vas devenir un gros hit commercial en 2011. On va faire un retour. Yeah, je te le dis, mon champion. Hey, là, t'aurais besoin de refaire l'exercice. Arrête de te sentir comme des cuisses de grenouille. Et redeviens ce sportif que tu étais dans les années 70. Ah, oh, je sens la pièce. Non, je sens l'émotion gagner mon portefeuille. Ah, oh, mais toi, ben écoute, on va te remonter, là. On va investir sur ton apparence. Ben oui, mais là, il faut que tu fasses l'exercice. Ben voyons, regarde là, t'es flat, c'est de la misère à sauter, puis t'as de la misère à parler, on comprend pas. Puis je crois que depuis ton départ de la télévision, là, t'as commencé à picoler un peu. Ah, hein, le chat sort du sac? Non, je veux dire, c'est une expression, la grenouille sort du gargoton. Bon. Mais, Démétane, mon petit Démétane, on va te trouver, là, une petite grenouille, toi, là. Au pire, on va prendre Peggy. Non, mais, ben, oui, je sais que c'est une cochonne, là. Mais, les petites grenouilles, ils aiment les cochonnes, il paraît. Ben, les petites cochonnes, là. Peggy, là. Ben, il y en a d'autres cochonnes. On en connaît. On va y nommer. As-tu la liste des cochonnes, mon Jean-Luc? Ah, on a ça, là. Hey, on part du succès actuellement. On part du succès en 2011, là. Le retour de Démétane, de Némétane. Du duo Tang, en tout cas, le retour de la grenouille. Rabbit, oh, c'est. Il fait de la radio. Veux-tu animer un petit peu avec moi? Rabbit, oh, ok. Si tu veux lire ici, là. Rabbit. Ouais, mais là, les gens comprennent pas le grenouille, là. La grenouille, est-ce que je peux traduire? Rabbit, ok. Hey, on dirait qu'il a repris de la forme, là. Hein? Il est heureux de vivre, puis il finira pas dans un compresseur comme ça. Excuse-moi. Non, je sais pas ce que je voulais dire. Ben, ça fait 3 ans. Arrête de boire. Qui télécharge mes émissions? La Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil Contes et Nouvelles. Qui aurait cru que Démétane allait revenir? OK. Calme-toi un peu, toi, là. Et heureusement qu'on n'a pas qu'animal qui est un animal qui est un perroquet. Eh, monsieur un perroquet. Eh, monsieur un perroquet. Eh, monsieur un perroquet. Eh, l'ordinateur saute. Eh, monsieur un perroquet. Eh, monsieur un perroquet. Eh, monsieur un perroquet. Eh, monsieur un perroquet. Eh, monsieur. Broadway, près de toi. Ça passe la confusion. Près de toi, je cherche l'exil. Près de toi, je retrouve la lumière de ta bouche. Et monsieur, c'est une bouche, cherchant l'air en rénaldien. Où est-il? Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Bon, y en a-tu de l'antre? Ah, oh, y a plus. Ah oui, il reste un antre. Ah, oh, mon Dieu, l'entonnoir se replie, se cache. Qu'en allons-nous faire? Y a-t-il de l'avenir sur la planète bière? On sait plus. Non, c'est pas la planète bière, c'est la planète Terre. Bière-Terre, oh! Je ne suis qu'un torchon qui brûle à l'émotion. Alors donc, le début. Il a secoué sa gueule de bois et a sorti du lit. Ben oui! C'est un peu normal, ça faisait deux jours que j'étais allongé Mais là, à l'enjeu, je tiens à dire, moi, c'est comme ici, nous avons un téléroman. Ben, Hugo, ils comprendront pas, c'est des gens spatiaux incorporels. C'est que j'étais couché, moi, à la verticale. Allant vers le haut et non pas vers le bas. Et j'avais, comme j'ai des étagères dans ma, près de moi, hein, près des deux parties de mon lit, et sur lesquelles j'avais disposé quelques bouteilles, parce qu'on nous dit hein, que l'on peut se déshydrater très facilement. Et lorsque l'on se déshydrate très rapidement, on risque de mourir. Et moi, mon but, c'était pas de mourir, moi, là. C'était de me reposer un petit peu, parce que j'avais écrit, premièrement, je m'appelle Jean-Luc Marère, écrivain. Vous avez lu sans doute mes grands romans, hein? Marère ma vie, Marère mon cœur, Marère mon existence, Marère mais moi. Ça vous dit rien, ça? Ben là, attendez, là, on n'a pas ça ici. Vous êtes dans quelle bibliothèque? Non, on n'est pas dans les bibliothèques. Le Marère ne rédige pas pour les bibliothèques. Marère aère son art. Il l'amène partout. Croyez-moi, mon cher monsieur. Oui. C'est que... il est parti. C'est que l'écriture, la poésie et toute la création doit être divulguée à tout le monde. La gratuité pour le génie. Ben voyons donc, toi aussi tout le monde est géniaux. Qu'est-ce qu'on pourra pas mettre en place des politiciens que l'on a actuellement? Oh. Ouais. Mais en même temps, si on les met là, qui sont les politiciens? Non, les gens intelligents, ben y en a pas. Ben voyons, Marère va aérer tout ça. Marère, ben c'est moi, enchanté. Ben on enchante ce qu'on veut bien enchanter. C'est alors, on y va. Si on enchante ensemble les gens qui nous ressemblent, si on enchante la vie, si on enchante l'amour, si on enchante que le parcours de notre vie, si l'on enchante, et surtout, si l'on s'enchante ensemble, les mots qui nous ressemblent, si on ensemble l'amour, si on rassemble la vie, si on rassemble la merveilleuse. Et ça va tomber! Ouais, tu sentais? C'était comme une élancée, ben voyons donc! Ça va nous tomber dessus comme des petits pigeons, les petits cadeaux des pigeons! Et tu trouves que c'est des cadeaux, toi, c'est pas un cadeau, moi, là. Hey, Gertrude, hier, elle s'était fait... Premièrement, elle était rentrée chez la coiffeuse. Elle avait demandé à la coiffeuse la totale. Et quand on demande à la coiffeuse la totale, pour une femme, c'est la totale. Pour un gars, c'est toute une totale. C'est-à-dire... Ben, toute une totale. Mais voyons donc, c'est shampoing, oui. Rince-crème, oui. Fixatif, non, c'est préservatif. Hey, bon, oui, toi, c'est préservatif. Ben oui, il y a d'or. C'est préservatif, on te glisse ça sur la tête, avec ça on met un séchoir, et t'as les cheveux formant condom. Et ça attire la femelle en rut. Et c'est gamme à cheveux. Premièrement, là, actuellement, j'ai la chevelure condom. T'aimes-tu ça? Mais c'est très condescendant, là. Moi, je trouve que ça te va pas très bien, puis si c'est mon avis, là, je te mettrais ça en prison, des gars comme toi, parce que c'est comme ça que ça déprave notre jeunesse, puis ça amène des mauvaises idées dans la société contemporaine. Si les médias sont devenus aussi crétins, c'est à cause de toi, avec ta coupure de... Calmez-vous. Ben, si je veux me calmer, c'est moi qui me calme. Si j'ai pas le goût, puis si je veux pas, puis ça me tente pas, puis ça me... je suis pas dans l'obligation, je suis libre, moi. Effectivement, vous êtes libre. Je suis libre comme tout le monde, quand... Mais... Non, tout le monde n'est pas libre. Ouais. Enfin, est-ce que je peux prendre cette liberté? Prenez-la, mais elle n'est que un soubresaut. Oh! C'est-à-dire? Ah! OK, c'est un petit saut. Ben oui, c'est un soubresaut. À l'aventure qui pourrait nous arriver pendant quelques minutes encore et quelques heures. Ben voyons! On dirait qu'on est en émission de radio. Ben oui! Ben oui, vous êtes en émission de radio! Vous êtes à Errance Rénaldienne? Ah ben voyons, danse, ouais! Moi je connais sur un bar qu'on appelle chez Miloud. C'est un très chic endroit pour lever le coude. Si en ce lieu la bière est à peine abordable, au sujet de Rachel on dira rien de semblable. Ce n'est qu'après que nous eûmes tous deux dansé que je pris conscience de son âge avancé, à n'en croire que les formes rondes et folles sont toujours mieux conservées dans l'alcool. Elle m'a invité à venir manger un bol très fumant de sa soupe aux betteraves. Et moi dont la bédaine émettait des sons suaves, je suis allé chez Rocher. Et sur son plancher Rocher. J'ai mis à sécher Rocher. Mes semelles, car il faut tâcher Rocher. De ne pas tâcher Rocher. La carpette tichée Rocher. Est si belle. La soupe n'était pas en route pour l'intestin, que déjà la Snow Road hasardait sa main. Et je suis pourquoi, après mille ans de chicane, les hommes ici-bas tiennent encore aux femmes. Bref, au bowling, ça aurait été un amas. Dans la Bible, on aurait dit la reine de Saba. Le frère Gonette, s'il s'était glissé sous les couvertes, eût conclu comme moi à une langue experte. Elle avait 30 dents, cochon, mais plus de 30 ans, cochon. Elle avait 30 dents, mais plus de 30 ans. Et j'entendais gland quand elle disait grand sans son partiel. Oh Rachel, je suis allé chez Rachel. Et j'ai allé chez Rachel. Car elle m'a léché Rachel. Les aisselles quand on s'était caché Rachel. Qu'on va au marché Rachel. Les dos y passent d'âme, mais ne fera pas mal votre petite patate comme si le faire la donzelle. Elle ronflait comme un aspirateur. Je franchis sans bruit le seuil de sa demeure, titubant dans l'aube remplie de neige, content d'avoir fait un beau tour de manège. Dans ce bar où la bière est à peine abordable, elle ne demande qu'à s'inviter à votre table. Jeune coq, sachez qu'il vaut parfois la peine de tremper ses lèvres dans les cuvées anciennes. Ce sont des matins cochons que presque tout tente. N'ayez crainte de ce que l'ampleur de leur vice soit en proportion du nombre de leurs varices. Ici c'est péché Rocher. D'aller sous péché Rocher. Rarement ce péché Rocher. Se renouvelle. Car s'il y a touché Rocher. Pour plaire au toucher Rocher. Pour le regard dit, c'est pas le lieu dit. Pour faire d'un jeudi un grand festin pour les prunelles. On amène la richesse du Québec un peu comme Gilles Vigneault avec Amélie. Ouais, un petit peu ce que faisait Raymond Queneau aussi en essayant Raymond de... Raymond Queneau, ouais, dans l'humour, ouais, oui, oui. Puis il essayait de faire évoluer la langue écrite pour la faire coller à la langue orale aussi. Oui, oui, oui, oui. Mais lui, c'était encore les campagnards qui parlaient beaucoup de campagnards, beaucoup de des gens de la ville qui allaient voir les gens de la campagne et les gens de la campagne qui allaient voir les gens de la ville. Et c'est la confrontation entre tout ça. Mm. Et c'est ça qui est rigolo, c'est des grands personnages. Et, mais pour venir à la littérature et à ta façon de voir la littérature, tu écris des nouvelles, de la poésie, des biographies. Des biographies. Est-ce que c'est des biographies autorisées? Alors c'est des biographies non autorisées et peut-être que plutôt de parler de biographie, je pourrais parler de portrait parce que c'est des ouvrages que je traite de façon assez personnelle. C'est quoi par rapport à l'artiste? C'est un petit peu déjà il faut que l'artiste m'ait intéressé, m'ait parlé dans ma vie, donc j'ai écrit en fait j'ai fait 4 bios principales, j'en ai fait une sur Françoise Hardy, sur Jane Birkin, sur Alain Bashung et sur Noir Désir. Et j'avais fait un ouvrage sur Taxi Girl aussi, où j'avais pas mal, où j'avais rencontré Daniel Darc. Et si j'avais pas pu le rencontrer, j'aurais pas fait le livre, parce que je voulais vraiment avoir son. Il est sorti en 2008. Okay. Chez un éditeur qui m'a. Alors tu l'as rencontré en 2007. Je l'ai rencontré en 2007, exactement. Okay. Voilà et. Le livre était chez un éditeur qui a fait faillite, mais il reparaîtra. Je vais le faire reparaître. Okay. Est-ce que tu fais la maison d'édition? La maison d'édition, c'est Escalier. Alors, je pense que je le ferai reparaître chez Camion Blanc, parce que c'est un éditeur... Est-ce qu'on peut trouver ça au Québec? Bah, je pense que ça doit être importable, oui. Exportable, importable. Ouais. Une petite librairie, comme chez nous, on a une librairie qui est vraiment assez curieuse et qui va chercher des petits bijoux comme ça. Là, Mais je sais que les bios que j'ai faites, les quatre dernières, c'est-à-dire Hardy, Bachung, oui. Gainsbourg, pas Gainsbourg, Birkin, et Noir Désir, je sais qu'elles étaient, ça passait aussi. Hein. Ok, oui. Et donc, je sais que celles-là, elles sont disponibles au Québec, oui. Elles sont, oui. Parce que je travaille avec un éditeur qui est distribué au Québec. Donc celles-ci sont arrivées. D'ailleurs, j'ai eu des ventes au Québec, j'ai vu, donc il a été distribué. Timidement ou... Oui, timidement, parce que... Allez, bah, peut-être un peu plus... Oui, ça, au Québec, c'est quelques centaines d'exemplaires. Oh, oui, d'ailleurs. Mais ça existe déjà. Ok. Ouais. Pour revenir à François Hardy, qu'est-ce qui t'a intéressé de nous proposer de nouveau sur François Hardy? Quel œil tu voulais... Mais alors, déjà... Lorsque j'ai signé ce contrat pour faire une bio de Françoise Hardy, il n'y avait rien sur elle, il n'y avait rien disponible, tout était épuisé, okay. On ne savait pas qu'elle préparait son autobiographie. Donc, c'est ça, quelle année? Bah, on a dû signer, en 2008 je pense qu'on a signé. Suddenly, donne-moi des peanuts, je m'en vais te chanter Alouette sans fausse note. 7h15, t'embarques dans l'autobus, ton seul petit tour pour aller travailler. Un beau voyage en groupe organisé, comme toi matin. You're a frog, I'm a frog, kiss me. I'll turn into a prince suddenly. Donne-moi des peanuts, je m'en vais chanter Alouette sans fausse note. Ton boss est dur, l'hiver il va se promener. Sa Côte d'Azur, pendant qu'il fait chômer. Il reste du temps, il fait trop travailler. Toi tu te plains pas. You're a frog, I'm a frog, kiss me. And I'll turn into a prince suddenly. Donne-moi des peanuts, je m'en vais chanter Alouette sans fausse note. Ta femme fait dur, toi en traite de nono. Ton petit dernier a la gaieté au nez. T'es peut-être pas beau, mais je te trouve bien élevé. Pis tu chiales pas. You're a frog, I'm a frog, kiss me. And I'll turn into a prince suddenly. Donne-moi des peanuts, je m'en vais chanter Alouette sans fausse note. CKRL, cultive tes goûts. Don't come stay d'accord. Alors, elle n'était évidemment pas d'accord, puisqu'elle préparait son autobiographie. Mais tu pouvais quand même éditer. Elle n'a pas arrêté l'édition, elle ne sait pas... Non, parce que si on prend juste la loi, on peut écrire sur une personne publique. On peut écrire sans qu'elle le veuille. Voilà, parce qu'à partir du moment où tu es une personne publique, tu t'exposes à ce que l'on écrive des biographies sur toi, à ce qu'on s'intéresse à ton travail, qu'on commente ton travail. Et tu ne peux pas empêcher un journaliste, un écrivain d'écrire un article ou d'écrire un livre sur une personne publique, puisqu'elle est publique et donc met sa personne, si tu veux, sur la place publique. Et tu peux revenir contre l'auteur si... Voilà, ça c'est de la diffamation. Okay. Alors... ça, j'ai jamais été attaqué, donc je suis pas. Voilà, j'ai pas eu de problème. Explique-nous là, comment tu écris, exemple, l'œuvre de François Hardy selon toi, Pierre. Voilà, bah alors, François Hardy, ce qui m'intéressait, c'était évidemment, moi j'avais. Il y avait des chansons d'elle qui sont parmi mes 10 chansons préférées. Par exemple, Message personnel, dans la musique et une partie des paroles sont faites par Michel Berger, que par ailleurs, j'aime pas beaucoup, mais pour le coup, je trouve que ce morceau-là est un pur chef-d'œuvre que je mets aux côtés des Rolling Stones, des Who, des Beatles, des pièces maîtresses de la musique pop. Okay. Pourquoi et... Est-ce que c'est les paroles ou la musique ou l'ensemble des deux? Bah, je pense que ce qui fonctionne avec François Hardy, c'est sa voix et sa façon de déclamer, sa façon de réciter. Et en plus, ça, c'est un morceau vraiment en talk over où elle parle, elle chante les refrains, mais les couplets sont parlés. Et là, ça met vraiment en valeur sa voix. Et donc voilà, ce qui m'intéressait chez elle, c'est que c'est une des premières femmes, bien avant le féminisme, parce que c'est bien avant mai 68, elle signe vers 61-62 son premier contrat. C'est la première femme qui impose d'écrire ses musiques, ses paroles, qui se débarrasse à l'époque tous les chanteurs de... On va dire, c'est même avant le yéyé, ça va être le début du yéyé. Tous les chanteurs font des adaptations anglo-saxonnes, ont des tandems de producteurs, d'impresarios qui leur imposent des chansons. Elle arrive, elle ne connaît personne dans le milieu. Sauf du tranche, quoi. Elle l'a rencontré après. Okay. C'est une petite étudiante de la Sorbonne qui fait des chansons dans sa cuisine chez sa mère. Guitare-voix. Elle va voir les directeurs artistiques et elle signe chez Vogue. Et ce qui m'intéressait, c'était le parcours de cette petite nana qui vient pas du milieu. Pourquoi ? On est quand même dans les années 60 en France, la société est vraiment hyper hyper rigide, tout est planifié, il n'y a pas encore le phénomène des teenagers, il n'y a pas encore beaucoup de rock, il n'y a pas le yéyé. Et pourquoi cette fille qui était promue à faire des études de lettres à la Sorbonne, à être une bonne mère au foyer, à épouser un bon parti et avoir plein d'enfants? Pourquoi elle a eu ce petit, voilà, ce petit décalage, cette bifurcation, et alors que c'est quelqu'un qui est très posé, très calme, et donc il y a ce grain de folie chez elle que je voulais raconter, que je voulais explorer. Et ça, c'est presque des excentricités à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire une personne qui est là très calme, et elle a un petit grain de folie en elle qui fait que de temps en temps ça dérape. La subtilité. Un flingue et des roses. Un flingue et des roses. Ah. Puisque la paix ne sera jamais, je m'en fous, je vais vous dire tout. Sans faire de fausses poésies ni passer par des dictons. Sèche introduction, voilà ma déduction. Tout vient des hommes, ce n'est pas de la faute de l'oseille. Si mal brille dans toute sa splendeur, devant le pire que le bien prend toute sa valeur. Questionne pas pourquoi griffe un porc épique. Donne de l'amour gratuitement, pas à n'importe qui. N'est bon, m'a dit con bon. Depuis les choses ont changé, sniff un grand G. Mec, si t'es pas content, comment adorer de façon concrète? Pour haïr la minute d'après sans faire exprès. Mon lexique est doux, sans être à l'autre rose. Demande à mes ex, commente mes textes en éternel impact. Avec ce côté de moi-même, à l'approche de la trentaine, ma haine reste intacte. En quelques rimes, je viens poser des roses, larmes à la main. Mais sans tout ça, ma larme, je fais quand même du paradoxe. Et puis, quand j'en les paraoxes, il me dit, viens on fait un morceau entre Gun et Rose et Lindy. Fata dans les cœurs, dans les têtes, c'est vite film. Entre flingue et fleurs, on est tous victimes. Ces sentiments qui se mêlent, même posés, y'a des contrats qui se fêlent. Comme une pluie de grêle en été, fragile comme du cristal. La ligne se brise aussi vite que je kick un freestyle. Comme Steve, plein de haine, tuant sa femme par amour. Plein de regrets, plein de peine, les yeux mouillés devant la cour d'assises. Chacun ses démons, quand le diable nous fait des bons à tous. La force nous fait défaut, et c'est chaque fois le même défi. Suive le bien alors que le mal met tous en appétit. C'était souvent souvent gentil, tantôt tout le temps méchant. L'équilibre se trouve entre un flingue et des roses. Mal poli d'arriver les mains vides. J'arrive. Rose dans la main droite, flingue dans la gauche. Rose devant, bouquet de flingue dans le dos. Avec le sourire, qu'est-ce que tu verras, Coco Tocard. On trinque et on pose. Un flingue pour des roses. Tantôt aigri ou tantôt heureux de vivre, ça dépend de la lumière, je veux bien laisser entrer dans ce qui me sert de cerveau en fait. Y'a plus trop d'heures de libre pour une suite d'idées claires et sensées. C'est rarement blanc ou noir, bien ou mal, flingue ou rose. Si jamais clair même quand les incous causent. De bain, douche, de bain, de foot, de plein de goût. De plein de foot comme partout, besoin de sous. Les belles fringues, attire les roses, les flingues s'invitent au bal de loin. Tu vois les embrouilles s'embouillent de cristal. Si le flingue tombe en panne, je te rosse avec la crosse. Et si la crosse se casse, je te finis avec les branches, repense à mon retour pour ma nuit aux urgences. T'as fini handicapé avec un peu d'indulgence. Ceci n'est pas un coup de pression, mais une agression, j'ai l'impression. Maîtriser l'instru, les renois veulent ta destruction. Discrétion oblige, mes instructions claires et précises. Restez en vie. Regarde comme le quartier regorge d'enfants doués. Carrière trouée, parce qu'on mélange vie et vertus douées. Tu dois pour douter noué. L'estomac vide, les yeux vitres, tout est flouté. Malgré ça, je perds pas de vue que les roses sont épineuses et sont plus des quimauses qu'un flingue en ré. Crier parce que qu'il ose recommencer une fois la gâchette tant qu'il ose de commencer. Pour ça que je mets de l'amour dans ma vie afin de noyer ma haine ici. Donc aujourd'hui je décide broyer ma peine. C'est que c'est bien plus près de l'odeur des roses. Je veux vivre mais toujours calypse sous l'oreille. Si on ne peut guérir de ces mots, que faire d'autre que vivre avec. Passer du baume sur ton dos n'est pas ce qui m'amène. Accepte la main tendue d'un ex adepte de la paix par les armes. Tu peux être dur, y a toujours plus grosse pointure. J'ai fait la misère comme une dizaine pointiture. Un flingue des roses, c'est une mentalité. Je suis issu d'un de ces continents où un enfant te tue. Pas les mêmes principes, les tiens sont hypothétiques. Dépassant la théorie, ma pratique a tout d'héroïque. CKRL, cultive tes goûts.